T'as la même c'est physio que là. Yo zo, le j'aime. Oui. Come again, come again, come again. Turn ça, turn ça. Yeah. Turn ça fam, turn ça fam, turn ça fam. Boom. Posez go bon dans le PJ, mais c'est un leader bon dans mon cahier. Que pas la peine d'y m'en saca à tête, mais où t'as très bien bagué la panique. Fais posez go bon dans, bon dans, bon dans le PJ, mais posez go bon dans, bon dans, bon dans le PJ, mais ma c'est bon dans quoi ça? Couillé, mais mettre bon dans tes femmes. Achis dans les bails là, est-ce que t'as vu l'anaconda? Ma c'est bon dans quoi ça? Couillé, mais mettre bon dans. Dans les bails là, est-ce que t'as vu l'anaconda? Posez go bon dans le PJ, mais c'est un leader bon dans mon cahier. Que pas la peine d'y m'en saca à tête, mais où t'as très bien bagué la panique. Fais posez go bon dans, bon dans, bon dans le PJ, mais posez go bon dans, bon dans, bon dans le PJ. Il aime un bougla, oui, des bouquins ni physique. Moi même pas ni physique, mais moi ni calme pour faire jouer. Posez go bon dans, on l'est calme, il sautait en l'air, il pétait enfin. Posez go bon dans, on l'est calme, il sautait en l'air, il pétait enfin. Posez go bon dans le PJ, mais c'est un leader bon dans mon cahier. Que pas la peine d'y m'en saca à tête, mais où t'as très bien bagué la panique. Fais posez go bon dans, bon dans, bon dans le PJ, mais posez go bon dans, bon dans. Donne ça, femme, donne ça. Fais ses go bon dans, elle est déboule, mais fais la bête, fais chien, puis qu'on fouille à paix. Si chien pas réduit ou pas pour aïe, moi la pour caso juste demain matin. Fais go bon down, bon down, bon down, elle est déboule, mais posez go bon down, bon down, bon down, elle est déboule, mais posez go bon down, elle est PJ, mais ma c'est bon dans quoi ça? Posez go bon down, elle est PJ, mais couillé, mais mettre bon down, posez go bon down, bon down, bon down, elle est PJ, mais posez go bon down, bon down, bon down, elle est PJ, mais t'as la même, c'est physio que là. Yo zo, le j'aime, oui, come again, come again, come again, turn ça, yeah, turn ça, femme, turn ça, femme, turn ça, femme.